Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film pour se faire peur. Un ancien flic forcé de démissionner de son travail après un accident ayant coûté la vie de son associé travaille à présent comme veilleur de nuit dans un grand magasin brûlé et abandonné. Seuls quelques miroirs ont survécu aux flammes. Il réalise que ceci cache un horrible secret qui le menace, lui et sa famille. Moi, j'ai pas peur, mais lui, oui. Michael, qu'est-ce que tu fais ? Je fais rien. Amy, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose dans la maison. J'ai peur. Amy, je vois des choses terribles. Peut-être que les miroirs nous forcent à faire certaines choses malgré nous. Sortez de là, tout de suite ! N'aie pas peur, maman. Ils veulent seulement jouer avec nous. Mirrors, un film d'Alexandre Aja avec Kiefer Sutherland, un DVD Fox Pathé Repas.